déception. Moi fais un bon voyage en avion. Moi vrai, cinéma, moi manger, moi bien vrai, moi dormi, moi levé. Avant c'était français, moi t'es qu'à parler. Mais le moi arrivé à Paris, moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en allô. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Aïe, café fête, fête, bon radon frigidaire. Moi pas même si non vieux pilover. Moi venu si vraie misère. Moi t'es à cause en belle lèvre, sa faute de fric qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi j'ai fait cloche. Million situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dalo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Zambella, Zambella, Zambella qui des ombres, casseur de lit,